Ça y est, j'ai fait. Je vais te balancer sur Skype. Réverb. C'est quoi ça? Un chorus, hein? Un phaseur, hein? Ça, c'est pas un Fender, non, c'est... Thank you. Merde, j'ai perdu le batteur. Il y a un batteur, merde. Cherchez, je vais le chercher.